Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Laissez sur Dammaj, ont le plaisir de vous présenter Hifadatul Quloub min fitani shubuhati wa shahawati fi biladil kufri. La préservation des cœurs de la fitna, des ambiguïtés religieuses et des passions en terre de mécréance. Un prêche donné par le Cheikh Saïd Da'as, rahimahullahu ta'ala, traduit et prêché en langue française par le frère Khalil El-Martiniki, hafidahullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyati bi Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Inna alhamdalillah نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Le Cheikh débuta en faisant l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala de son messager sallallahu alayhi wa sallam في المقدمة puis débuta en disant Il a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit à ses compagnons « Certes, ce que j'ai le plus peur pour vous, d'après moi, ce sont vos ventres, ainsi que vos parties charnelles, et ainsi que les passions égareuses. » Et dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mit en garde sa communauté contre deux grands maux considérables. Et ces deux grands maux sont pour la plupart des cas la plus grande cause d'égarement des gens. Et personne ne peut être épargné de ces maux si ce n'est celui que Allah a épargné. Pour leur grande propagation, le premier mal, la première fitna qui a été citée dans ce hadith, est celle qui se situe dans ces paroles, vos ventres et vos parties charnelles. Il s'agit de la fitna des shahawat, des plaisirs charnels. Et la deuxième fitna citée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il s'agit de celle des shubuhat, des ambiguïtés, des choses équivoques. Et elle est celle qui est citée par sa parole, les passions égareuses. Il incombe donc aux musulmans, et plus particulièrement celui dont, à qui fut attribué une science dans la connaissance du chemin droit, dans la connaissance de la vraie aqida, qu'il prenne garde de ces deux fitnas, qui sont celles des shahawat, c'est-à-dire des plaisirs charnels ou autres, ainsi que celles des shubuhat, des choses ambiguës et équivoques. Et ce cas-ci tout particulièrement pour ceux qui vivent dans des pays où ces mots sont fortement propagés, fortement répandus. Ils sont choses courantes. Ces mêmes pays qui sont ces pays de l'Occident, ces pays de Kouf, ceux qui ont pour monnaie courante ou qui ont laissé libre cours à leurs habitants de tomber dans ce genre de choses. Ces mêmes pays dans lesquels on appelle à la liberté, où chacun fait ce qu'il veut, où que chacun puisse prendre de ses mots ce qui lui souhaite et ce qui lui convient. Car il est connu que ces gens-là, vivant dans ce pays, c'est-à-dire les Koufars, leur principale motivation et leur principal but est d'assouvir leur plaisir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Dans le sens relatif et rapproché, et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Pire en cela que les mouchriquines, tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et elle voit bien leurs actions. Nous disons de là que les gens du Kouf et les gens les plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gens les plus loin de l'islam, leur principal but et dessein en ce bas monde est d'assouvir leur plaisir. Si le musulman se voit donc résider en ces terres, au milieu de ces gens dont les maux sont à portée de sa main, où il n'y a aucune barrière entre lui et l'assouvissement de ses plaisirs, et la liberté de tomber dans toute cette turpitude, alors, dans le cas du muslim, nous pouvons dire que sa situation est extrêmement critique. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, a décrit les gens ne faisant pas partie de l'islam comme étant des bestiaux, ou encore peut-être plus égarés qu'eux. Et il est connu que les animaux, les bestiaux en ce bas monde, n'ont autre n'ont autre but ou autre dessein, si ce n'est que celui de se rassasier en mangeant ou en assouvissant leur plaisir eux-mêmes, comme ce qui est de la nourriture ou ce qui est des boissons et ce qui y ressemble. Également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est venu dans les Sahihain, dans les deux recueils authentiques, qu'il a dit qu'il a été écrit pour le fils d'Adam sa part de fornication, chose qui lui est inéductable. Les yeux forniquent, et leur fornication est le regard. La main également fornique, et sa fornication, c'est le toucher. La jambe également a sa fornication, et sa fornication, c'est le fait de marcher. Il en est de même pour les oreilles. Leur fornication est l'écoute. Les parties intimes acceptent ces choses-là et y tombent, ou les refusent, ou les démentent. Et ces plaisirs charnels, ces shahawat, que l'on trouve principalement dans les pays d'Occident, dans ces pays où la plupart de ses habitants ne sont pas des gens de l'islam, ces shahawat tournent autour de ces points cités, comme dans le hadith, c'est-à-dire autour d'eux, du regard, autour de l'écoute, autour du toucher, autour du parler, de la langue, et toutes ces choses, et tout ce qui y ressemble. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'âme, le cœur, l'âme, penche vers ces choses-là et est attirée par elles. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Dans le sens relatif rapproché, en parlant de la femme d'Al-Aziz, dans Sourate Yusuf, je ne m'innocente pas, et certes, l'âme est ordonnatrice du mal, hormis ceux à qui mon Seigneur a fait miséricorde. Nous comprenons de là que l'âme a un penchant et est attirée vers ces choses mauvaises. L'âme a un penchant et attirée vers ces choses mauvaises. Elle n'a de cesse d'appeler son partenaire à y tomber. Quand on dit son partenaire, celui à qui elle appartient. Elle incite donc et ordonne donc de faire du mal, de faire des mauvaises choses, d'appliquer de mauvaises œuvres. De par la suite, les parties intimes de cette personne soit acceptent cela ou soit le démentent. Ce qui apparaît pour ce qui est de Shahawat est que leur emplacement, leur lieu, là où elles sont instaurées, sont le nefs, l'âme, ainsi que le cœur. Le cœur de l'homme, et son nefs, et son âme. Donc si ces shahawat prennent place dans le cœur de l'individu, et le dominent et le contrôlent, ainsi que son âme, alors de là, ce mal et cette fitna en ressortira dans tout le reste du corps. Elle apparaîtra dans tout le reste de son corps. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, n'y a-t-il pas un bout de chair dans le corps, si celui-ci se voit vertueux, tout le reste du corps le sera. Et si celui-ci se voit se pervertir, tout le reste du corps se pervertira. Il ne s'agit-il pas du cœur? Si la fitna des shahawat prend place dans le cœur et s'y installe et le domine, elle le pervertira. Et si le cœur se voit perverti, tout le reste du corps en subira les conséquences et sera lui-même perverti et corrompu. Ces shahawat auront une influence sur sa vue, son regard, ce qui le poussera à regarder des choses muharrama, des choses illicites. Ces shahawat auront influence sur son écoute, son ouïe, et il se mettra à écouter des choses interdites. Ces shahawat auront influence et prendront domination sur ses jambes, ce qui le poussera à marcher vers des choses interdites. Pareil pour ses mains, qui le pousseront à toucher des choses interdites. Le abd, le serviteur, se verra lui-même contraint, ou se verra lui-même tiré vers des choses interdites de par sa personne. N'y a-t-il pas dans le corps une partie de chair, un bout de chair? S'il se voit vertueux, tout le reste du corps sera vertueux. Et s'il se pervertit, tout le reste du corps sera perverti. N'est-ce pas donc le cœur? Et il est venu, comme cela l'ont rapporté certains salafs, que le cœur par rapport aux membres du corps est comme le roi par rapport aux troupes. La comparaison est similaire. Si celui-ci est droit, les troupes seront droites. Si celui-ci est perverti, ses troupes le seront aussi. Il en est de même pour le cœur. Si celui-ci se voit droit et vertueux, il en sera de même pour le corps, le reste du corps et les membres du corps. Et contrairement à cela, si celui-ci se pervertit et se corrompt, le reste du corps le suivra. C'est-à-dire se pervertit par les shubuhat ou les shahawat, car il est connu que le cœur s'assombrit et s'endurcit pour cause des péchés et des désobéissances. Le cœur s'endurcit et s'assombrit pour cause des désobéissances ainsi que des fitna des shahawat et des shubuhat. Si le serviteur, l'abd, ne prend pas garde à préserver son cœur de ses fitan, shahawat et shubuhat, son cœur s'en verra assombri et perverti. Et celui-ci se verra peut-être aveuglé. Son cœur ne sera pas apte à pouvoir lui montrer la vérité lorsque celle-ci sera devant lui. Il se verra incapable de pouvoir distinguer entre le vrai et le faux, pour cause que son cœur en fût assombri. Son cœur ne sera pas apte à l'empêcher de tomber dans les péchés et d'éviter les fitnas des shahawat et des shubuhat. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Dans le sens relatif et rapproché, que non, mais plutôt leurs cœurs furent couverts par ce qu'ils accomplirent. Par ce qu'ils accomplirent. C'est-à-dire, ils ne furent pas en mesure de pouvoir répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas peur d'Allah, ils ne craignent pas Allah et ne se rabaissent pas devant Allah. Ses cœurs ne se préparent pas à sa rencontre et ne croient pas son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se mettent pas droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'appliquent pas ses ordres. Tout cela pour quelle cause? Pour le fait que leurs cœurs furent couverts par ce qu'ils accomplirent. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les fitnas sont exposées devant le serviteur comme une étoffe brin par brin, maille par maille. Et ce qui est voulu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, en parlant des fitan, des fitnas, il s'agit de celles de shahawat et des shubuhat. Et ces fitan sont fortement exposées devant le serviteur pour toutes les choses qui y appellent, pour toutes ces choses présentes qui appellent à sa fitan. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dans la traduction relative et rapprochée, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi de shayatin parmi les humains et les djinns qui s'inspirent compensamment les uns les autres des paroles enjolivées. Toi, ô le serviteur droit, ô toi le serviteur musulman, tu seras certes éprouvé par des ennemis, des gens qui vont aller à l'encontre du bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Ton âme, incitatrice au mal, ainsi que les shayatins parmi les hommes et les djinns, tenteront d'obstruer le passage vers Allah subhanahu wa ta'ala et s'efforceront de corrompre et de pervertir ta religion par les fitnas des shahawat et celles des shubuhat. Donc ces fitnas seront fortement exposées devant toi pour toutes ces choses qui y appellent, et tout particulièrement dans ces pays où les gens ne sont pas les gens de l'islam. Dans ces pays de Kufr. Ces mêmes pays où la liberté est ouverte à toutes choses. Ces mêmes fitnas exposées aux serviteurs, si jamais son cœur se voit s'en complaire et les accepter, il se verra marqué d'un point noir. Son cœur se verra marqué d'un point noir. Et telle est l'explication de sa parole, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakshibun » dans le sens relatif et rapproché, que non, mais plutôt leurs cœurs furent couverts par ce qu'ils accomplirent. Les cœurs se voient assombris et pervertis par les péchés et les désobéissances, tout comme par les fitan des shubuhat et des shahawat. Ce cœur se verra marqué d'un point noir. Et le cœur qui, lui, les refusera et les reniera et les refoulera, et qui se rappellera la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il se verra exposé à ces fitnes, ou ce même cœur qui se rappellera du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala face à ces choses, il se rappellera et se souviendra de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité. Celui qui se rappelle ces choses-là lors d'un face-à-face avec ses péchés, ces mêmes faits lui empêchent de tomber dans ses péchés et l'interdisent de cela. Et celui qui se rappelle de ces choses-là lors des moments d'inattention se rappelle et se réveille. Et celui qui se rappelle de ces choses-là lors des moments de relâchement et de rabaissement, celle-ci le pousse à faire plus d'efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les adorations. Comme l'a dit Ibrahim et Abraham, si les gens avaient estimé Allah sa juste valeur, ils ne l'auraient pas désobéi. Si les serviteurs avaient estimé Allah à sa juste valeur, ils ne l'auraient pas désobéi. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala démontre dans son livre que la principale cause du reniement des gens de l'appel de ses messagers et de son appel à lui, selon sa parole, والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Dans le sens rapproché et relatif sont, ils n'ont pas estimé Allah à sa vraie valeur. Alors qu'au jour de la résurrection, il empoignera entièrement la terre. Les cieux et la terre seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc tout cœur qui se verra refuser ces choses, les refouler et les rejeter, et ne pas s'y résigner, cela ne viendra que d'un cœur qui est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, lié à Allah subhanahu wa ta'ala. D'un cœur humble et rabaissé, d'un cœur qui a peur d'Allah, qui le craint. Un cœur humble et un cœur qui est sous la certitude qu'il est un croyant. Ce cœur se rappelle de la peur et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela l'empêche de lui désobéir. Tout cela lorsque le fitan se présente à lui. Également, comme nous l'avons déjà dit précédemment, lors des moments de relâchement de l'ascisme, cela le pousse à faire plus d'efforts dans les actes d'adoration et d'obéissance. Donc ce même cœur qui, lui, refoule et rejette et refuse ces choses-là, se verra lui marqué d'un point blanc. Car les cœurs s'illuminent et se rabaissent et s'humilient et se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et se voient marqués d'un point blanc. À tel point, c'est de là que tu vois que les cœurs deviennent de deux catégories. Soit un, une blancheur pure qui ne sera point nuit ou auquel les ma'asi, c'est-à-dire les péchés et les fitan, ne porteront pas nuisance ni préjudice. Un cœur épargné et protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, par sa crainte. Allah l'épargnera par sa peur. Allah l'épargnera par son obéissance et son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala le préservera par son investigation et son consacrement dans tout ce qui touche aux adorations d'Allah. C'est pour cela qu'il deviendra un cœur qui réunira les fitan, les rejettera. C'est pour cela que les cœurs deviennent de deux cœurs. Un cœur blanc d'une clarté qui ne sera point atteint par les fitan tant que les cieux et la terre seront présents. Et ce cœur-là se verra un cœur muwaffaq, un cœur auquel le succès sera accordé. Un cœur auquel celui à qui il appartient sera lui, aura atteint la réussite, ou à qui il lui sera accordé la réussite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre cœur, lui, deviendra un cœur noir et sombre. Un cœur qui se sera laissé résigner et un cœur qui se complaît dans la tombée, dans les ma'asi, dans les fitan. Et celui dont à qui appartient ce cœur sera une personne abandonnée, délaissée par Allah. Il ne recevra aucun tawfiq et il ne sera pas protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se verra pas préservé des fitan et des ma'asi, ainsi que des fitan des shubuat et des shahawat. Et telle est la partie qui nous intéresse par rapport à cette parole, que le cœur qui se complaît et qui accepte et se résigne face à tous ces maux, à toutes ces fitan, celui-là, s'il se voit accepter ces choses-là, il en verra les conséquences et il en verra tout ce mal se répartir sur les restes des membres du corps. Tout cela ressortira sur les membres du corps. Il ne pourra pas reconnaître un bien ni pouvoir blâmer un mal, hormis ce qui aurait été accepté par lui, par celui de ses passions. Donc, ô toi le serviteur mustaqim, droit, ô toi le serviteur muslim, prends garde et sois soucieux de préserver ton cœur de ces maux, afin de ne pas tomber dans ces choses défendues. Préserve ton cœur et préserve ton âme de n'ouvrir les portes qui pourront laisser entrer ces fitan et avoir le dessus sur toi. Un shaitan a certes des stratagèmes et a certes des plans en marche. Parfois, par le simple regard, parfois, par la simple écoute, ou parfois, par le fait de penser à certaines choses, et parfois, par la contestation ou l'opposition. Et Allah subhanahu wa ta'ala, a interdit de suivre les pas de shaitan. Allah a interdit de suivre les pas de shaitan, car il a certes déjà reçu les malédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, shaitan ne vient aux gens que par des différentes techniques, différents moyens et par échelons, dont le simple but est de faire tomber des gens dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram et illicite. Ton simple but est d'égarer les gens. Et nous avons certes, dans ce qui est arrivé à notre père Adam alayhi salam, une grande leçon à tirer, la plus grande leçon à tirer. Car lorsque shaitan est venu le voir, il ne lui a pas dit, ou ne lui a pas ordonné, ou ne lui a pas insufflé de mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ne lui a dit, ne vais-je pas te démontrer un arbre qui sera la cause de ta sortie du Jannah? Non. Tout simplement, le verset qui est venu. Dans le sens relatif rapproché, Allah a dit qu'il a dit, ô Adam, ne t'indiquerai-je pas l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Pour le sens relatif et rapproché, parmi les ruses de Shaitan pour notre père Adam, Il lui a dit, votre Seigneur ne vous a pas interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura vraiment, je suis pour vous deux, un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du Jannah. Et leur Seigneur les appela, « Nous avais-je pas interdit de cet arbre ?»« Et nous avais-je pas dit que le shaitan était pour vous un ami déclaré ?» Naam. Et également, comme Pharaon a fait, lorsque Moussa alayhi salam va à son peuple afin de l'appeler au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion de la vérité, comment fut la réaction de Pharaon et son complot afin d'empêcher son peuple de pouvoir écouter la vérité et qu'il reste sur le couf dans lequel il était ? Sa seule façon de s'y prendre fut de dire dans le sens relatif et rapproché, je ne vous indique que ce que je considère. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Et en ce qui concerne les preuves du fait que les shayatines parmi les hommes et les djinns ont de nombreux stratagèmes et de nombreux complots afin d'attirer l'être humain par étapes, non pas de façon directe, mais par étapes, afin de les faire tomber dans les ma'asi, dans les désobéissances et les actes illicites, les preuves qui sont là sont extrêmement nombreuses dans le Coran et la Sunna. Et dans tout ce que Allah nous a déjà cité dans son livre, cela nous est amplement suffisant. Si le serviteur a donc compris la situation et se voit percevoir ce qui se passe autour de lui, que ces fitnes, si celles-ci ont une influence portée et qu'elles touchent ses membres, son ouïe, son regard, son toucher et ce qui s'ensuit, qu'il remarque le mal qui peut en découler et qui peut en résulter, alors il est obligatoire de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer et d'attendre de lui à ce qu'il le préserve de cela. Cela afin d'en voir sa religion épargnée. Car la religion est le capital du serviteur. Celui qui voit sa religion perdue, alors aura tout perdu en ce bas monde et dans l'au-delà. Fi dunya wal akhira. En effet, cette dunya ne nous servira à rien du tout. Même ses désirs assouvis ne nous seront d'aucune utilité. Et ce, quelle que soit sa longévité dans la vie, le temps de vie qu'il aura, il n'en tirera aucun profit. Et nous savons le nombre de shahawat, le nombre de plaisirs à assouvir en ce bas monde. Il est connu que cette vie a un début, un commencement et une fin. Elle n'est pas éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens relatif et rapproché, l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes resté qu'un jour ». Il en est ainsi, lorsque le serviteur se retrouva devant Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que fût sa longévité de vie en ce bas monde, il sera comme s'il n'avait goûté que peu de choses parmi ses plaisirs et ses désirs, comme s'il n'y avait goûté qu'un laps de temps, une durée très courte. Il est donc obligatoire pour l'humain qu'il fasse en sorte de préserver sa religion. Et cela en évitant toute chose ou toutes les causes qui amènent vers ces fitnes. Ces fitnes en elles-mêmes ou ce qui y conduit. Et peu importe qu'elles soient grandes ou petites. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit même les moyens, les choses qui mènent vers ces fitnes, parmi les fitnes des shahawat et des shubuhat. Il a rendu illicite le fait de regarder ce qui est interdit. Il a rendu illicite le fait de regarder vers une femme étrangère. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite le fait qu'une femme entreprenne un voyage sans mahram avec elle. Allah subhanahu wa ta'ala également a interdit de fréquenter les personnes du mal, les personnes du faux, les personnes amenant à tomber dans les choses proscrites. Et il a comparé la mauvaise fréquentation comme le forgeron, celui qui brûle ton vêtement ou qui t'apporte une mauvaise odeur. Et tout cela pour simple but et simple cause de couper court à la tombée dans ces fitnes. Tout comme la législation a coupé court, a obstrué tout passage pouvant mener aux choses interdites, également, il a été rendu obligatoire aux serviteurs de faire la hijra, l'émigration, depuis le pays de Kouf pour aller vers les pays des musulmans. Cela du fait que sa résidence au sein des koufars, au sein de ces gens-là, est parmi les choses les plus graves qui puissent lui porter atteinte dans sa religion et lui nuire. Et cela afin de le protéger dans sa religion. Cette hijra fut imposée aux serviteurs vivant dans le pays de Kouf afin qu'ils puissent protéger et préserver sa religion, en devenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, pour se préserver de toutes les shahawat, tous les plaisirs charnels qui sont répandus dans les pays de Kufr. Donc tout cela, ô toi mon frère musulman, ô toi mon frère droit, sache que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager afin de nous préserver, afin de nous protéger de toutes ces fitanes, parmi celles des shahawat et des shubuhat. Cette hijra est une protection. Et ce sur quoi nous nous concentrons le plus lors de cette rencontre avec nos frères, la chose qui nous tient le plus à cœur lors de ce sermon, est le fait d'appuyer sur les fitnas des shahawat. Car nous savons que nos frères, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, vivent dans ces pays dans lesquels ces shahawat sont continuelles, sont permanentes. Tout comme également ces sociétés et ces lieux de vie ne se voient pas dénués des causes amenant à tomber dans les fitnas des shubuhat. Car les gens des passions et des bidars trouvent dans ces pays champs libres afin de pouvoir propager leur mal. Cela pour cause que les détenteurs du pouvoir dans ces pays n'ont aucune emprise sur eux et leur laissent libre cours. Pourquoi? Du fait que, déjà, ces gouverneurs ne sont pas des gens de l'islam. Et également du fait que ces gouverneurs même, ou les ennemis de l'islam, savent que les gens des passions et des bidars sont parmi les principales causes pour corrompre la communauté de l'islam, pour corrompre les serviteurs de l'islam. C'est pour cela donc que tu vois que les ennemis de l'islam acceptent et agréent et laissent les gens des bidars, les gens des hawa, des passions, faire leur darwa en leur sein, faire leur darwa sur leur pays, du fait qu'ils savent les conséquences, les fâcheuses conséquences que cela aura sur les autres musulmans. Et c'est pour cela, comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, que les bidars, les égarements et les innovations sont une entrée à la mécréance et à la zandaqa. La zandaqa qui est une forme de nifaq, d'hypocrisie. Et malgré tout cela, nous disons que les fitna des shahawat sont bien plus répandues et bien plus conséquentes et bien plus présentes dans ces pays. C'est pour cela que nous incitons fortement à ceux qui parlent à leurs frères en ces pays, qu'ils insistent sur ce point afin de les diriger et de les conseiller et de les éclairer. Et de les mettre en garde de toutes ces choses-là qui, elles-mêmes, ont une atteinte et portent préjudice à la religion. Et sachez, ô vous les frères, que ces fitnes parmi les shahawat et les shubuhat, parmi celles que l'on puisse trouver dans ces pays, celles-ci ont des causes afin de pouvoir les éviter. Des causes ont été mises en place afin de pouvoir se préserver et de ne pas tomber ni d'être atteint par ces faits et ces maux. Et cela n'a lieu, ce résultat n'a lieu qu'en effectuant les causes et en les prenant en considération et en les appliquant. Et parmi cela, parmi ces causes, le fait de faire la hijra depuis les pays de Kufr. La hijra depuis les pays de Kufr pour celui qui en a la capacité et celui qui a la possibilité. Car, ô toi le frère musulman, le frère mustaqim, en résidant dans ces pays, tu es sous le joug et sous le contrôle et sous le jugement des ennemis de l'islam. Et il ne t'est pas possible de pouvoir appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme lui l'a demandé et comme lui l'attend de nous, en vivant là-bas. Le fait d'être sous l'emprise de ces gens, tu ne seras pas en mesure de pouvoir appliquer la religion de la façon attendue, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre « وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Dans le sens relatif et rapproché, certes, les juifs et les chrétiens ne seront point satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا Dans le sens relatif et rapproché, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent apostasier de votre religion s'ils le peuvent. Certes, les ennemis de l'islam combattent les musulmans sur leur territoire, c'est-à-dire sur la terre des musulmans. Alors comment s'imaginer qu'ils seront inattentifs avec ceux qui sont sur leur territoire à eux, c'est-à-dire ceux des koufars? Ils combattent les musulmans en territoire d'islam, sous les gouvernements d'islam, sous les lois de l'islam. Ils combattent les musulmans sur des terres où l'islam est apparent, où l'islam est le régime principal, et où la religion de l'islam est celle vers laquelle le penchent le plus les gens, bien qu'il y ait un certain relâchement chez certaines personnes. Donc il est connu que les ennemis de l'islam combattent les musulmans sur leur territoire à eux, qu'ils dépensent des sommes énormes afin de pouvoir leur mettre la pression, afin de pouvoir les rabaisser, afin de pouvoir leur faire obstruction à la vérité, en vue de leur pervertir leur religion. Et ils usent en cela tout ce qui est à leurs moyens, tout ce qui est en leur pouvoir. Alors que dire si le musulman vit en leur sein, vit sur leur territoire et leur pays, en leur milieu? Alors cela est bien plus grave et bien plus périlleux pour celui qui vit là-bas que celui qui est à l'extérieur, au milieu des musulmans. Donc, nous répétons que la plus grande cause, la plus considérable et la plus forte qui puisse te permettre de préserver ta religion, ô toi le frère musulman, c'est la hijra. La hijra, depuis le pays de Kouf vers le pays des musulmans. L'âme est faible et l'être humain est exposé au dérapage, au manquement, aux glissades. Alors ne te sens pas à l'abri. Il se peut que tu puisses endurer ou patienter un an, ou deux ans, ou trois ans, avec toutes ces fitnes devant toi. Surtout toi, à qui Allah a pu avoir accordé une certaine droiture, une istiqama, une droiture, une éthique à suivre. Et celui-là, Shaitan, lui enjolive les désobéissances et les péchés, bien plus que toute autre personne. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la dunya est la prison du croyant et le paradis du kafir. Car le croyant en ce bas monde, dans cette dunya, est comme celui qui est dans une prison étroite, une prison serrée. Car il a sur lui des règles et des normes à suivre auxquelles il doit se tenir. Il est obligatoire de suivre. Donc il doit se priver de beaucoup de choses parmi les désobéissances, parmi les choses, parmi les plaisirs charnels, comme le fait d'écouter la musique, ou le fait de ne pas forniquer, de consommer de l'alcool, ou de manger, ou de boire ce qui ne lui est pas licite. Tout ce qui lui est haram. Donc il est en cette dunya comme dans une prison. Et son âme est certes incitatrice au mal. Et le shaitan lui enjolive toutes ses belles actions. Le shaitan lui enjolive et lui embellit toutes ses mauvaises actions. Et tout particulièrement pour ceux qui sont privés et ceux qui s'interdisent ces choses-là. Et comme il a déjà été dit, que tout interdit est attirant. Donc parmi les choses qui te préserveront et qui te protégeront, que tu t'efforces et que tu te lances dans la hijra depuis le pays de Kouf. Que tu fasses en sorte de quitter le pays de Kouf. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha » dans le sens relatif et rapproché, la terre d'Allah n'est-elle pas vaste afin que vous puissiez émigrer? Et Allah subhanahu wa ta'ala accordera à celui dont il a vu la sincérité et la véracité dans le fait de vouloir préserver sa religion une issue dans sa hijra. Il lui accordera une issue dans sa hijra. Quant à celui qui se voit dans la capacité de pouvoir accomplir cette hijra et que les choses ne sont pas facilitées, alors celui-là, qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'invoque et qu'il s'efforce dans les causes qui l'aideront à pouvoir préserver sa religion. Et à la moindre occasion, à la moindre opportunité qu'il puisse quitter le pays de Kouf et faire la hijra, alors qu'il le fasse. Car cela est une obligation sur lui. À la moindre occasion, qu'il la saisisse et qu'il parte. Car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est certes innocenté de ceux qui vivent au milieu des koufars. Il s'est innocenté de ceux qui vivent au milieu des mouchriquins. Et il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, que leurs deux feux, c'est-à-dire les feux des muslimines et les feux des mouchriquins, ne doivent pas se rencontrer. Cela pour la longue distance qui doit être établie entre eux. Et cela pourquoi? Pour la forte influence que les koufars pourraient avoir sur le musulman dans sa religion. Et pareillement, que celui qui ne puisse accomplir sa hijra sur le moment qui s'en voit incapable, alors qu'il s'efforce vers d'autres causes parmi celles qui pourraient le préserver dans sa religion. Alors, parmi ces causes qui puissent se préserver, qu'il prenne soin et qu'il s'efforce dans la recherche de la science, talab al-ilm. Qu'il s'efforce dans la recherche de la science et qu'il donne soin, qu'il y prenne soin, qu'il en soit soucieux. Car la science, c'est l'arme du mu'min, du croyant. La science est l'arme du croyant. La science est ce par quoi le croyant renforce son hymen. Et c'est par quoi il renforce et affermit sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par elle également, il augmente sa peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui s'instruit et apprend dans la religion d'Allah, il en sera plus savant de lui. Il sera plus savant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le serviteur se voit plus savant d'Allah, alors il aura forcément plus peur de lui. Il aura plus de piété envers lui, plus de crainte envers lui. De là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Wallahi par Allah, je suis le plus savant de vous d'Allah et le plus pieux envers lui, et celui qui le craint le plus. » Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui qui craignait le plus Allah subhanahu wa ta'ala et le plus pieux envers lui et qui avait le plus peur de lui, c'est tout simplement du fait qu'il était l'homme le plus savant de lui. Si le serviteur était plus savant d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ses noms et ses attributs et sa grandeur et son immensité, et s'ils savaient ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ses serviteurs le jour où ils le rencontreront, ceux-là sont parmi les choses qui augmenteront sa crainte. Parmi les choses qui augmenteront sa crainte. Il se sentira plus surveillé par Allah subhanahu wa ta'ala et le poussera à délaisser les marassis et le plus obéir. Et cela dans ce bas monde où ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé dans ou dans la vie du balzar. Donc le fait de s'instruire dans la religion est parmi les causes qui puissent permettre de pouvoir s'éviter de tomber dans les mauvaises fitnas, celle des shahawat et des shubouat, et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé de nous instruire en religion. Et c'est pour ça qu'il a attribué le bien en cela. De là est venu le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc l'apprentissage et l'instruction dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que se trouve sa sérénité et sa préservation. Des égarements et des fitnes. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'ôtera pas la science en l'arrachant directement des poitrines, mais cependant par la mort des savants. À tel point que les gens interrogeront des têtes parmi les gens de l'ignorance, ils les questionneront, et ceux-ci leur répondront sans science, et s'égareront et égareront les gens. L'ignorance est parmi les causes d'égarement, également une cause de la fitna, de tomber dans les fitnas. Et l'homme ne s'est pas égaré, et ni ne s'est trouvé dans une déviation de sa religion, si ce n'est par le fait de son ignorance, et son peu de science envers Allah subhanahu wa ta'ala. De là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous mis en garde contre les gens de l'ignorance. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il viendra à la fin des temps des gens qui vont parler de choses que ni vous, ni vos pères ne connaissez. Donc prenez garde et qu'ils prennent garde, qu'ils ne vous égarent ou qu'ils ne vous fassent tomber dans les fitnas. Car ils sont des ignorants. Et il est connu que l'ignorant est une personne qui suit sa passion et qui suit ses plaisirs. Et celui qui prend l'ignorance comme fer de lance et comme balance, celui-là se verra guidé vers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Vers les innovations, vers les égarements et vers les fitnes. Tout cela par les fitnas, c'est-à-dire les fitnas des shahawat et celles des shubuat. Donc les frères, à nous de prendre conscience de cela et de nous efforcer d'apprendre la science. Cela par le biais des cassettes ou par le biais des livres ou par le fait de se réunir dans des cercles de science, dans les masajids, dans les mosquées ou dans les maisons. Nous ajoutons, parmi les causes qui puissent préserver le serviteur de la tomber dans ses fitnes et dans ses maux, le fait qu'il se tienne, qu'il se contente de rester et de demeurer dans les lieux qui, le plus souvent, ne sont pas atteints par ses maux, par les lieux qui, le plus souvent, ne sont pas atteints par ses fitnes. À l'exemple, des masajids, des mosquées, ou des bouyouts, des maisons. Car comme vous l'avez entendu, dans ces pays où se sont propagés tous ces maux, où ne se voit épargner ni rue, ni quartier, ni emplacement de la propagation du mal, alors de là, il incombe au serviteur qu'il évite de s'y retrouver, qu'il se résigne à rester chez lui et qu'il évite la multitude des sorties là où le mal se trouve. La multitude des sorties dans les lieux où se trouve devant lui le mal, derrière lui, à droite ou à gauche, en tout lieu, car cela est parmi les causes de tomber dans ces fitnes. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Prenez garde de ne prendre les lieux de passage comme assises », c'est-à-dire de demeurer dans le lieu de passage, dans les rues. Alors ses compagnons lui dirent, ô messager d'Allah, nous n'avons pas le choix du fait qu'il n'y ait pas d'autre lieu pour se réunir. Donc il, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, si vous êtes obligés de rester là, c'est-à-dire dans les rues, alors donnez le droit de la rue. Donnez le droit de la rue. Ils lui répondirent, quel est donc le droit de la rue, ô messager d'Allah? Il, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, le fait de ne pas nuire, c'est-à-dire de ne pas mettre d'obstacles, ou de ce qui puisse nuire aux gens. De baisser le regard, et d'ordonner le convenable, et d'interdire le blâmable. Et il ne fait aucun doute que réaliser ces choses, c'est-à-dire cité dans le hadith, il n'y a pas de doute de la difficulté à endurer dans ces pays, c'est-à-dire ces pays où les maux, où les turpitudes et toutes ces choses, ces fitnes, sont propagées et sont ouvertes à portée de main de ceux qui y vivent, de ceux qui y habitent. Ôter les obstacles et baisser le regard en ces lieux où la turpitude ou le dévergondage est chose courante, que ce soit ici ou là-bas dans les rues, car certes le fait de baisser le regard est parmi les choses les plus difficiles à surmonter. Si tu te vois détourner ton regard vers la droite, tu verras le mal qui se trouve à la gauche. Et pareillement, si tu tournes ton regard vers la gauche pour éviter, tu verras le mal de la droite. Pareillement, si jamais tu as la tête vers le bas et que tu regardes vers le haut afin d'éviter les fitnas, tu verras également des choses qui te porteront atteinte. Si tu veux te lancer dans le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, il s'agit là d'une chose impossible. Il s'agit là d'une chose impossible. Dans ce pays, chacun fait ce qu'il veut. Nous disons même que celui qui voudrait agir de la sorte, c'est-à-dire interdire le blâmable et ordonner le convenable, il se peut qu'il en subisse des conséquences qui lui soient insurmontables, et cela de la part du gouvernement des lois de ce pays. De là, après avoir réalisé la difficulté à encourir pour ce qui est de mettre en place ces choses-là, il incombe aux musulmans qu'il se tienne et qu'il se résigne à rester dans sa maison et qu'il évite d'aller là ou là tous ces lieux remplis de fitan, tous ces lieux remplis de fitan. Cela fait partie des causes qui puissent aider le musulman à se préserver et s'épargner des fitnas des shahawat et des shubuhat. Parmi les causes, nous ajoutons également le fait d'avoir de bonnes fréquentations. Des fréquentations qui, si jamais tu te vois oublier Allah, il te rappellera Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais tu ignores une chose, il t'enseignera cette chose, te l'apprendra. Si tu te vois dans des moments de relâchement, il sera là pour te rappeler et te soutenir. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'exemple de la bonne fréquentation et celle de la mauvaise sont comme l'exemple du vendeur de parfum et du forgeron. Le vendeur de parfum, si tu le fréquentes, soit il t'offrira du parfum, soit tu en achèteras de lui, ou au minimum, tu prendras de lui une bonne odeur. Quant au forgeron, lui, soit il te brûlera tes vêtements, ou au pire, tu trouveras de lui une mauvaise odeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son livre, dans la sourate des rangées, à propos de deux compagnons, dont l'un des deux essaye d'appeler son compagnon vers la mécréance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لترديني. Dans le sens relatif et rapproché, l'un d'eux dira, j'avais un compagnon qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et nous serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise et dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Donc la mauvaise fréquentation est parmi les causes qui puissent faire tomber le serviteur dans les fitnas des shahawat et celles des shubuhat. L'homme, s'il se voit fréquenter et vivre et passer de son temps et s'asseoir avec une personne qui n'évite pas la désobéissance d'Allah, qui n'évite pas les péchés d'Allah, alors cela aura pour conséquence avec les jours et les nuits, cela pourra l'amener à ce que lui-même tombe là-dedans et se mette à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à tomber dans les fitan. Également, s'il se voit fréquenter une personne qui elle-même s'expose aux fitna des shubuhat, des choses ambiguïtés et équivoques dans la religion, pareillement, avec le temps, les jours et les nuits, cela pourra l'emmener à le faire tomber lui-même, cette personne-là, avec lui, dans ses bidards, dans ses innovations, dans ses égarements et dans ses déviations. Donc toi, ô Abdallah, toi, serviteur d'Allah, tu te dois d'être minutieux dans le choix d'un bon compagnon, dans le choix d'un bon compagnon. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme est sur la religion de sa fréquentation, de son ami, de la personne qu'il aime le plus. Donc que chacun regarde qui il fréquente. Et le compagnon a une influence sur ses fréquentations bien plus conséquente que l'influence du père sur son fils. Comme l'a dit Al-Alama al-Wazir, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque nouveau-né naît sur l'essence première, c'est-à-dire Al-Fitra. Cependant, c'est soit ses parents font de lui un chrétien, c'est-à-dire soit il le christianise, soit il le judaïse, ou soit ils en font de lui un majus, un mage. Ce hadith prouve donc que le père a une influence sur son enfant. Et malgré tout cela, nous voyons que l'influence portée par le compagnon et la fréquentation est bien plus conséquente sur celui qui le suit que celle du père sur son fils. Il se peut que tu vois l'enfant se rebeller sur le père et se révolter contre lui. Contrairement au compagnon, il aura forcément un penchant et un amour pour lui, une attirance vers lui et une concordance avec lui. Donc, ya Abdallah, serviteur d'Allah, sois bien soucieux de trouver qui te sera un soutien et qui s'entraidera avec toi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dans le sens relatif et rapproché, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant son visage, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en recherchant le faux brillant de la vie de ce bas monde. Si donc toi, Abdallah, serviteur d'Allah, tu te vois prendre ses causes et t'y attacher et faire en sorte de t'y tenir le plus fermement possible en fonction de tes capacités, tout cela avec sincérité et véracité et certitude et de façon minutieuse, alors tu verras Allah subhanahu wa ta'ala t'épargner de ces mot de Sifitan. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dont la traduction relative à approcher est, et s'ils avaient été véridiques avec Allah, cela aurait été meilleur pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans son livre, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Pour la traduction relative à approcher et s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. À l'exemple de cet homme qui se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea sur ce que Allah lui rendit obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit et il s'en alla en disant ou Allah en disant qu'il se contenterait de cela, c'est-à-dire d'appliquer ce que Allah lui a rendu obligatoire, sans en négliger quoi que ce soit ou sans y ajouter quoi que ce soit. Et le prophète Mohammed sallam dit, s'il est sincère, il réussira. Donc de là, la victoire, la réussite, tout cela sont basés sur quoi? Sur la véracité. Sur la véracité. Donc toi, serviteur d'Allah, sache que tu seras certes éprouvé dans ta religion. Tu seras éprouvé dans ta religion. Soit par les ennemis de l'islam, ou par les gens du faux. Tu seras éprouvé en toi-même par les maladies et les maux, ou bien même par la pauvreté. Tu seras éprouvé dans ta religion par tout genre d'épreuves, par tout genre d'épreuves. Tu te dois donc de patienter, de faire preuve de patience. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dans la traduction relative et rapprochée est, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît mieux ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans son livre, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dans la traduction relative à approcher est, nous vous éprouvons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, afin d'éprouver et faire apparaître de vos nouvelles. Sache donc, Abdallah, que tu seras éprouvé et que Allah cherchera à distinguer ce qui est en toi. Si Allah verra en toi la véracité, alors il te soutiendra et t'aidera et sera véridique envers toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Pour la traduction relative à approcher est, Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants sur ce quoi vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Donc, ya Abdallah, sois comme Allah l'a voulu de toi, sois comme Allah l'attend de toi. Prends soin afin d'être parmi les bons, ceux qui, s'ils sont éprouvés, endurent et patientent. Ceux à qui, si Allah leur accorde de ses bienfaits, remercie. Ceux à qui si Allah leur éclaircit la voie droite et la bonne guidée, la prennent et la suivent. Ceux également à qui si Allah facilite de pouvoir faire la hijra, ou de pouvoir faire talab al-ilm, recherche de la science, ou de pouvoir prendre ce qui les éloigne de ce qui leur nuit parmi les lieux de mal et les lieux des fitna, ou qui le facilite afin d'avoir de bonnes fréquentations, les saisissent. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde le tawfiq, la réussite, qu'à ceux qui se tiennent à son obéissance. Comme le verset déjà répété précédemment, dans le sens approché est, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été bien meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus raffermie. Donc sur ce, voici ce sur quoi nous voulons nous rappeler entre nous, et nous exhorter, et nous pousser à la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, la crainte d'Allah est la clé de toute chose. La crainte d'Allah est la base et le support de toute chose. Car celui qui craint Allah, il lui trouve une issue dans toutes ces affaires, dans toutes ces choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens relatif à approcher, quiconque craint Allah, il lui trouve une issue. Quiconque craint Allah, il lui trouve une issue. Et il lui apporte sa subsistance d'où ne s'y attend pas. Et celui qui craint Allah, il lui trouve une facilité dans son affaire. Nous demandons donc à Allah qu'il nous rende bénéfiques pour ce que nous avons dit et qu'il nous accorde la bonne guidée et qu'il nous épargne et nous fasse éviter toutes les fitaines, celles qui sont apparentes ou cachées, car il est certes capable de toutes choses. Taïeb, donc après cette traduction spontanée et brève concernant le fond des paroles du shir, certaines questions lui ont été posées par la suite, dont voici la traduction également, de façon assez résumée. La première question fut, qu'est-ce que vous connaissez de Ali Ramli, le Jordanien, car il était dit qu'il est parmi les élèves du Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. Après cela, le Cheikh répondit en disant qu'il ne le connaît pas, et que cet homme n'est pas parmi les toulèb, les grands toulèb qui ont été connus de Cheikh Moukbil, et que lui, pour sa part, il ne le connaît pas, et que c'est la première fois qu'il entend son nom. C'est la première fois qu'il entend parler de lui. La deuxième question est que certains frères en France prétendent que la hijra ne leur est pas obligatoire du fait qu'ils sont des prédicateurs. Donc, nous demandons quelle est la véracité de cette parole. Est-ce que ceci est vrai? Le Chi répondit en disant, donc ces frères qui sont en France ou en pays de Kouf qui ont cette prétention-là, nous disons donc, c'est-à-dire que eux qui vivent dans ces pays dont nous avons déjà donné la description dans la Muhadara passée, ces pays où le mal est ouvert, nous leur disons, premièrement, le prédicateur est une personne qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de s'instruire en religion. Qu'il s'instruive dans la religion d'Allah jusqu'à ce qu'il puisse acquérir ce par quoi il pourra repousser les shubuhat. Et également qu'il puisse acquérir ce qui lui suffira afin de se préserver des shahawat, des plaisirs charnels. Et cela est connu et parmi les conditions fondamentales afin de pouvoir se déplacer en pays de Kouf pour un intérêt légiféré, comme le fait d'aller se soigner par exemple. Donc ce prédicateur qui se trouve là-bas, il lui est obligatoire d'être apprenti, d'être étudiant, et qu'il acquiert ce qui puisse lui permettre de repousser ces choses-là parmi les shubuhat et les shahawat. Et ses frères qui sont là-bas, il n'y a aucun doute que leur parcours dans la talab al-ilm, dans la recherche de la science, est une chose qui n'est pas connue. Et si ils ont recherché la science de par eux-mêmes dans ce pays par le biais des cassettes ou autres, alors il est clair que cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Donc le prédicateur Allah, il est obligatoire d'être quelqu'un de considéré, quelqu'un de reconnu dans ce qui concerne la piété, qui concerne la crainte d'Allah, la peur d'Allah. Et l'origine est que la hijra est obligatoire. Donc ce prédicateur qui se trouve là-bas, dans ces pays, il se peut que lui-même ne soit pas en mesure de pouvoir trouver un espace ou de quoi pouvoir mettre en place sa religion, de pouvoir l'appliquer comme cela est demandé de lui. Et celui qui appelle Allah, il se peut qu'il rencontre des problèmes ou que les choses lui soient rendues difficiles. Donc il ne se voit pas en mesure de pouvoir appliquer sa religion. Nous demandons comment est-ce qu'une personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, n'étant pas en mesure de pouvoir appliquer sa religion, comment lui sera-t-il crédible ou pourra-t-il être en mesure de la faire appliquer par les autres? Donc notre conseil pour ses frères, nous leur conseillons donc de prendre soin et d'être soucieux en ce qui concerne la hijra. Vous voyez, en ce qui concerne la hijra. Et également, dans le talab al-ilm, qui recherche la science, afin que l'on puisse trouver en eux ces causes qui puissent être un moyen de mettre en place les caractéristiques d'une personne qui puisse être considérée comme étant un prédicateur dans ces pays. Donc voilà ce qui est dit en ce qui concerne ce sujet. Donc troisième question pour le Shia, rahimahullah, où lui est dit, nous désirons de vous un conseil en ce qui concerne la langue arabe, car nous ne parlons pas la langue arabe, juste nous sommes en mesure de pouvoir décrypter ces lettres, c'est-à-dire pouvoir lire les lettres arabes. Donc quel est votre conseil pour nous par rapport à cela? Donc le Cheikh Rahimallah répondit en disant que la langue arabe est parmi les choses primordiales, voire même certaines choses de la langue arabe sont obligatoires à apprendre, comme l'a rapporté l'imam Shafi'i dans son livre Ar-Risala. Et les gens de science ont déjà établi la dose nécessaire et obligatoire à apprendre pour la personne qui se résume à tout ce qui lui permet de pouvoir apprendre ce qui lui est obligatoire pour les choses de la religion, de pouvoir appliquer ses obligations religieuses, comme par exemple la récitation de Surat al-Fatiha ou les autres choses qui se rapportent à la salat. Donc l'individu, il lui incombe d'apprendre la langue arabe, parmi les langues arabes, ce qui lui permet de pouvoir établir sa religion. Et la langue arabe, en ces temps-ci, en ces temps contemporains, est combattue par les ennemis de l'islam. Elle est combattue et ils font en sorte de l'anéantir et de l'annihiler. Et ce, du fait qu'elle soit la langue du Coran, et qu'elle soit la langue par laquelle on puisse comprendre l'islam. Également, la sunna est en arabe, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens qui parlaient la langue arabe littéraire, la vraie langue arabe. Il s'exprimait auprès des gens par la langue arabe. Et le laxisme, quant à ce qui concerne le fait d'apprendre la langue arabe, est une chose qui puisse amener une défaillance dans la religion de l'individu. C'est du fait qu'elle soit la langue de la législation et qu'il ne soit pas possible de pouvoir comprendre cette législation en toute vérité si ce n'est par sa langue. Il est donc obligatoire aux musulmans qui l'apprennent de la langue arabe, si tu puisses lui permettre de pouvoir appliquer à ses obligations religieuses. Et ce qui s'envoie en dehors de cela, c'est-à-dire en surplus de cela, alors cela lui est mustahab, préférable. Cependant, il ne convient pas aux musulmans d'être laxistes dans l'apprentissage de la langue arabe afin de pouvoir comprendre la religion. Car la langue arabe est la plus noble et la plus élevée des langues. Donc la quatrième question posée au Shir, Rahimallah, est que le gouvernement français a établi une nouvelle loi qui est l'interdiction de porter le niqab, c'est-à-dire le voile couvrant le visage, dans les lieux publics. Sans quoi, la femme refusant de se résigner est passible de payer une amende de 150 euros. Quel est donc votre conseil en cette situation? Donc le Shir, Rahimallah, répondit en disant que mon conseil, ou le conseil en cela, est que cette situation est une chose qui doit pousser les musulmans à faire l'hijra depuis le pays de Kufr. Cela doit le pousser et l'inciter à partir de là-bas. Donc ces pressions subies sur le musulman dans sa religion, et tout particulièrement en ce qui touche la femme par rapport à son vêtement de pudeur et de piété, cela doit l'inciter à ce qu'il émigre, à ce qu'il parte de là-bas. Cela est tout simplement une chose qui prouve qu'il est dans l'incapacité de pouvoir appliquer sa religion, et surtout en ce qui touche ces choses importantes et primordiales, c'est-à-dire le voile. Donc ça, c'était premièrement. Deuxièmement, si l'individu se voit incapable de pouvoir faire la hijra, il en est incapable, alors il est obligatoire à la femme qu'elle se contente de rester chez elle, qu'elle demeure dans sa maison, qu'elle se trouve en deux situations, en deux cas. Soit elle ôtera son voile, son hijab, ou alors elle se verra payer une amende, ou de subir des conséquences. Et il se peut que cette amende, ou que ces représailles, lui soient encombrantes, lui soient fortement encombrantes. De plus, il se peut que si les sorties de la femme se multiplient, cela puisse pousser l'État à apporter des restrictions et des conséquences plus sévères. Et c'est également ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, dont la traduction relative approchée est, en parlant aux femmes, et demeurez dans vos maisons. Donc surtout pour la femme, dans une situation assez périlleuse, il lui incombe de rester chez elle. Et qu'elle se consacre dans l'adoration de son Seigneur dans sa maison, qu'elle se consacre à l'éducation de ses enfants, et son mari ou son wali, c'est lui qui prend en charge les dépenses pour elle. Son mari ou son wali, eux, prennent en charge les dépenses pour elle, qu'elle n'ait pas besoin de sortir. Et si contrairement à cela, elle se voit contrainte de sortir, qu'il s'agisse d'une sœur, d'une femme n'ayant pas de mari ni de wali qui la prenne en charge et qu'elle soit obligée de sortir, et qu'elle se prenne une amende, alors nous lui disons « Ittaqullah mastata'tum » « Craignez Allah de ce que vous pouvez ». Donc elle craigne Allah comme elle peut, et Allah est plus savant. La cinquième question, quelle est la parole authentique quant à l'arrestation de celui qui est derrière la salat, c'est-à-dire celui qui se fait présider en salat, dans le fait de rester la fatiha dans les salats à haute voix, dans les salats où l'imam reste à haute voix. Et également, quelle est notre façon d'agir face à la divergence établie entre certains savants? Donc le Shir répondit, rahimahullah, la parole authentique dans ce sujet, celui qui se fait résider en salat, celui qui est derrière l'imam, il lui est obligatoire de réciter la fatiha. Et ce, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, pas de salat pour celui qui ne récite pas la fatiha del kitab, c'est-à-dire la fatiha du livre. Et également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas cela, c'est-à-dire ne restez pas derrière l'imam si ce n'est par al-fatiha. Et ce, après qu'il a entendu l'un des prieurs rester derrière lui, il lui dit cette chose-là. Si ce n'est pas, c'est-à-dire ne restez rien, si ce n'est Umm al-Kitab. Umm al-Kitab, la mère du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha. Donc telle est la parole la plus authentique sur le sujet. Et également, il s'agit de la parole la plus prudente. La parole la plus prudente du fait que la récitation de Al-Fatiha est parmi les piliers de la salat. Et quant à ceux qui disent qu'il n'y a pas de récitation obligatoire à haute voix, c'est-à-dire pour le prieur derrière l'imam, eux, ils ont pris comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens relatif et rapproché, il dit, et si le Coran est récité, alors taisez-vous et écoutez-le. Il s'agit là d'un verset général. Il s'agit là d'une preuve générale. Alors que la preuve de l'Al-Fatiha est une chose spécifique. Une chose spécifique, marsous. Et lorsque le musulman se voit face à une divergence entre le savant, qu'il s'efforce de rechercher la vérité. Qui s'efforce de trouver la parole véridique. Et ce, en regardant dans les preuves légiférées. Il jette un coup d'œil ou il analyse les preuves légiférées. Et parmi les choses qui lui permettent de pouvoir se préserver, que lorsque vraiment il se voit incapable de pouvoir distinguer entre le les paroles authentiques de celle qui était erronée, alors il choisit la parole qui lui est plus prudente pour sa religion. La parole qui le met plus en confiance quant au fait des conséquences qu'il pourra en subir. Il s'agit là d'une chose que les gens de science précisent dans ce sujet du fait des divergences que tu choisisses la parole qui soit la plus prudente pour toi. Et Allah est plus savant. La sixième question posée au Shia, il lui a été dit, certains gens déviés disent, ne me dis pas Shia Yahya a dit, cependant dis-moi Allah a dit ou son messager a dit. Donc le Shir, Rahimallah, répondit en disant, il n'y a pas de doute que l'origine des choses est que l'individu apprenne la parole d'Allah et celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'argument ne se trouve que dans la parole d'Allah et de celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il faut savoir que la parole d'Allah et celle de son messager doivent être retransmises. Et celui qui les retransmet, eux, sont les savants. Ce sont les savants. Et également les prédicateurs parmi ceux qui sont sur la clairvoyance en religion d'Allah. Donc si tu vois une personne qui te dit « Ne me dis pas la parole d'un tel parmi les savants ou un tel parmi les savants », alors là, l'affaire devient quoi? Une chose désordonnée. Une chose se pliant au bon vouloir de chaque personne, c'est-à-dire que celui, chaque personne pense ce qu'il comprend comme il le veut et délaisse ce qu'il veut délaisser comme il le veut. Et les savants sont les intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager pour ce qui est du fait de comprendre leurs paroles, de les éclaircir, de les faire comprendre ou d'en déduire les règles qui en découlent. Et cependant, une personne qui tient de tels propos est une personne comme, cela a été stipulé dans ma question, une personne déviée qui n'a que pour but d'obstruer du sentier d'Allah et d'empêcher d'arriver à la vérité, et d'empêcher d'arriver aux gens de la vérité. Ceux qui ont été connus pour la science et pour la sunna et pour la vraie aqidah et pour le minhaj salafi. À l'exemple de notre cheikh Yahya al-Hajjouri, hafizahullah ta'ala, ceux parmi qui l'islam a pu être secouru, ainsi que la sunna. Donc ces paroles ne proviennent que de contestataires des prédicateurs de la salafiyya, sans quoi nous disons que la parole d'Allah et celle de son messager ne peuvent être comprises que par le biais des savants. Donc la septième question posée au cheikh, rahimahullah, est que nous désirons de vous un conseil dans Talab al-Ilm, la recherche de la science, et quel est le moyen le plus efficace afin d'y parvenir. Donc le Jir répondit en disant, en ce qui concerne Talab al-Ilm, nous avons déjà exposé certains points résumés dans la conférence donnée. Et pour ce qui est de son acquisition, la meilleure façon de l'obtenir, c'est le voyage, le fait de voyager vers les gens de science. Donc le voyage est parmi les choses qui apporte le plus de facilité de la recherche de la science, le fait d'être sur place par rapport au climat, par rapport au mode de vie et ce qui s'ensuit. Et pour celui qui n'est pas en mesure de pouvoir voyager, alors lui, qu'il se contente de prendre des cassettes ou des livres des gens de la sunna dans différentes sciences afin de pouvoir apprendre la vraie croyance et de pouvoir apprendre différentes sciences légiférées. Qu'il fasse cela en mesure de ses capacités et qu'il prenne parmi les sciences ce qui lui est le plus facile, ce qui lui est le plus abordable. Donc qu'il poursuive cet acheminement jusqu'à ce qu'il obtienne son but. Il reste deux questions qui viennent de Djibouti. L'une d'entre elles est que il y a un couple là-bas dont la femme travaille dans la mixité et dont l'époux n'agrée pas cela. À savoir que cette femme prend pour excuse le fait de travailler dans la mixité qu'elle veut elle aider sa famille, c'est-à-dire sa famille à elle. Et bien sûr, l'homme travaille, lui, et il est en mesure d'acquérir ce qui leur suffit amplement. Et tous les deux s'apparentent à la salafiyya et veulent venir à Demmaj. Donc quel est votre conseil pour ces personnes? Donc le Shir répondit, rahimallah, wallahi, cette chose venant de cette sœur ou de cette femme est une erreur. Car la femme, à l'origine, est qu'il est obligatoire de rester dans sa maison. Et tout particulièrement du fait qu'elle qu'elle ait pris fonction dans un emploi n'étant pas dénué de mixité. Et il est connu que la mixité est interdite en religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme, c'est elle qui est prise en charge. La femme, c'est elle qui est prise en charge et c'est à son mari de dépenser pour elle. Et il ne lui est nullement obligatoire, c'est-à-dire à la femme, d'avoir à travailler ou dépenser pour sa mère, pour sa famille. Cela n'est pas une chose qui lui revient. La dépense n'est obligatoire qu'à son mari, pour elle. Donc, il lui convient de rester dans sa demeure et qu'elle délaisse ce travail surtout du fait que il s'y produise de la mixité. Et pareillement, il est interdit à son mari d'agréer cela et de la laisser faire. Il est obligatoire de l'interdire, voire même à ce qu'il apprenne de force ce qui l'empêche d'y aller. Cela du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de ceux qui sont sous votre tutelle. » Et parmi ceux qui heurtent est que cette femme, comme cela est dit dans la question, s'apparente à la salafia. Et cette action venant de cette femme est une chose forcément qui porte offense et atteinte à la salafia. La salafia est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le minhaj par lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses de la salafia, que la femme demeure dans sa maison. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dans le sens relatif approché, et demeurez dans vos maisons, et ne sortez pas dévergondés comme le dévergondage de l'époque pré-islamique. Et parmi les choses de la salafia, que la femme se rende compte de sa situation, qu'elle n'est pas à sortir, et qu'elle ne soit pas une fitna, c'est-à-dire qu'elle ne s'expose pas aux fitna pour elle-même, et qu'elle-même ne se représente pas comme étant une fitna pour les autres. Parmi les choses de la salafia également, que la femme est prise en charge, et que c'est son mari ou son wali qui dépense pour elle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, avec ses épouses, et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses. Et également il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire parmi les droits de la femme, que tu la nourrisses quand tu te nourris, et que tu l'habilles lorsque tu t'habilles. C'est-à-dire que tu l'habilles de ce que tu mets toi-même, des choses convenables. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, comportez-vous bien et prenez soin des femmes. Ces choses-là font partie de la salafia. Donc comment est-il concevable qu'une personne s'apparente à la salafia et se mette à transgresser ces choses-là? En faisant cela, il ne fait que salir son image et également s'expose à ce que les gens le traitent de menteur par rapport à la salafia qu'il prétend. Sans compter aussi du fait qu'il salisse la salafia, du fait que, par ses actions, il n'est pas conseilleur. Il n'est pas conseilleur car cette femme, en sortant de chez elle pour se rendre au travail, est une désobéissante, est une rafia. Il faut donc que son mari la prenne et l'interdise, ne serait-ce que par la force. Naam. Il ne lui est pas obligatoire de dépenser pour qui que ce soit, et encore moins du fait que, pour cette dépense, qu'elle expose sa religion à des péchés, à des désobéissances. Et également, il était rapporté de certains gens de science qu'ils ont émis comme fatwa du fait que celui qui travaille dans la mixité, son argent est illicite. Comme tels sont les fatwas de Al-Allama al-Albani, rahimahullah ta'ala, ou de notre cheikh Yahya al-Hajuri, rahimahullah ta'ala. Cette femme se voit tomber dans différentes transgressions du fait que, premièrement, elle tombe dans l'irtilat, la mixité, elle s'en voit consommer de l'argent illicite en se basant sur les fatwas de ses savants. Également, elle désobéit à son mari du fait qu'il interdit d'y aller et qu'elle y aille quand même. Et également, qu'elle se voit transgresser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kurna fi buyutikunna, et demeurer dans vos demeures. Donc cela fait une multitude de transgressions, et les transgressions ne sont pas agréées par les salafis. Cela fait partie des choses qui puissent nuire et corrompre sa religion, donc il est obligatoire de délaisser cela et de s'éloigner de ces choses-là. Naam, et Allah est plus savant. Donc dernière question, toujours de Djibouti. Il est connu que Demmedj est un lieu de Talab al-Ilm pour l'acquérir, et de là se propage la darwa. Et malgré cela, les ouvrages des femmes sont très peu nombreux. Et nous nous surprenons de trouver à Djibouti un certain groupe de femmes qui n'ont pas été connues pour avoir étudié, nous disons même qu'ils sont connues pour être occupées par la dunya. Nous les voyons écrire des livres et propager des écrits. Donc quelle est votre parole sur ce sujet? Le Shi répondit, rahimahullah ta'ala, l'individu, il lui incombe de parler en mesure de ce qu'il sait. Cela en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Pour le sens relatif et rapproché et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, le cœur et l'ouïe et la vue seront certes interrogés. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans le sens relatif approché dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes et les péchés tant apparents que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Le fait que l'individu se mette à parler dans les règles de la législation, d'écrire, de lancer des ouvrages, sans avoir été au préalable apte à cela le fait tomber dans le fait de dire sur Allah ce qu'il ne sait pas. Et par cela, il se voit être sous la menace, le châtiment évoqué dans le verset. Cela également peut emmener l'individu à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se fait passer pour ce qui n'est pas est comme celui qui a revêtu deux vêtements de fausseté. Deux vêtements de fausseté. Celui donc qui écrit et donne des ouvrages dans les règles de la sharia, de la législation, est comme une forme de signature au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'agit là d'une chose qui n'est pas simple. Et s'il se trompe, il portera le fardeau de ceux qui l'auront égaré. Les gens de science disent que celui qui s'avance à parler sur la religion sans avoir été apte à cela, celui-là commet un péché, est un pécheur, du fait qu'il se mette à parler sur Allah de ce qu'il ne connaît pas. Et c'est une chose interdite. Qu'il parle d'une chose qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'a pas appris. Et il est clair que le fait d'écrire des livres, des ouvrages et des épîtres, c'est une chose qui ne peut être faite si ce n'est que qu'elle a été précédée auparavant par un apprentissage, une instruction dans la religion, par le talab al-ilm. Donc le fait de s'avancer à parler sur ce qui n'a pas été maîtrisé, il s'agit là d'une chose très dangereuse, du moins en ce qui touche la religion. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ » Dans le sens relatif et rapproché, qu'ils portent leur fardeau complètement le jour de la résurrection et qu'ils portent également du fardeau de ceux qu'ils ont égarés sans science. Comme celui qui émet des fatwas sans science, alors le fardeau, le péché, sera sur celui qui aura émis cette fatwa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui aura établi une mauvaise sunna en religion, alors il aura certes son péché, ainsi que le péché de ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour du jugement. Il est obligatoire à ces femmes qu'elles s'instruisent en religion et qu'elles apprennent. Donc qu'elles s'instruisent, si ce n'est par le biais des livres, des cassettes, et qu'elles prennent le temps de cela, et qu'elles ne s'avancent pas à écrire ou à faire à écrire des livres et des ouvrages, tant qu'elles n'ont pas atteint le stade nécessaire pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Et de là, nous disons que s'achève, se clôture la traduction de ces paroles bénéfiques de notre cher, rahimahullah, Saïd Da'as, nasallallahu alayhi wa ta'ala, et nous disons, alhamdulillahi rabbil alamin.